L'heure est venue de m'en retourner chez moi. Mais d'un arbre soudain, à travers les feuilles, je vois jaillir. Oh, un écureuil! Un bond depuis sa branche, un long vol plané. C'est en haut de ma manche qu'il vient s'agripper. Un corps maigre à faire peur, épelé sa fourrure. Il a les yeux cernés sur sa triste figure. Tu vois désenchanté, voilà qu'il me murmure.